Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce du coup premier hors-série de podcast Off the Grid, la légende de Power Rangers. C'était un hors-série non prévu. Donc, malheureusement ou heureusement, vous voyez. Non prévu parce que du coup, on s'est fait reconfiner. Donc, nous ne pouvons pas tourner dans de bonnes conditions cet épisode 2. Après, on va pas se mentir, on avait déjà pris un peu de retard dessus. Donc, il devait sortir techniquement début octobre. Et c'est pas non plus début octobre qu'on s'est fait confiner. Donc voilà, on avait déjà du retard sur l'épisode. Et en plus, voilà, mais confinement. N'a rien arrangé. Voilà, donc malheureusement, on se retrouve chacun chez soi. Et donc, on voulait quand même garder une qualité propre, quand même aux épisodes canons et principaux. Du podcast, et en plus on a besoin d'avoir du matériel pour les effets sons, etc., de la partie narration. Donc voilà, l'épisode 2 est repoussé au déconfinement, sachant qu'en plus il est écrit et tout, même si j'ai le syndrome du mec où tant qu'on ne sait pas enregistrer, il a tendance un peu à repasser dessus, donc bon, faudra peut-être que j'arrête un jour. Et voilà, et du coup on profite un peu de tout ça pour faire un petit point sur ce lancement en fait du podcast déjà, voir un peu les retours qu'on a eu, les retombées, et surtout en fait se présenter, parce que du coup vous ne connaissez pas nous en tant que personne, vous connaissez un peu les personnages et encore vous en tant que deux voix dans ce podcast. Donc on va se présenter, pourquoi on a créé ce podcast un peu, et on vous a posé des questions sur différents Discord, et vous nous avez été posé pas mal, donc c'est très très cool, et on va donc y répondre, et comme ça vous saurez un peu plus comment ça marche, où ça va. Et un peu, nous, ce qu'on pense de cet univers qui est Power Ranger, les sciences Saban, et quand même du Tokusatsu, du coup, de façon générale, quand on parlait déjà dans le premier épisode, le Tokusatsu, évidemment, c'est ce style de série japonaise à effet spécial d'où vient Power Ranger. Donc, exactement. On va commencer par se présenter. Donc, mon très cher host, co-host, Eric Drouot, est-ce qu'un peu tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu, finalement? Un homme mystérieux. Évidemment. Non, je m'appelle Eric Druot, j'ai 25 ans, hein, 25 ans et demi. Incroyable, 25 ans et demi, comme les enfants de 8 ans. Oui, pour moi, le demi est si important que ça. Ouais. Voilà. Incroyable. Et oui, et comment dire ça Non, mais par exemple, quelles sont un peu tes passions finalement en dehors de Power Rangers, qu'est-ce qui t'anime dans la vie? Ah, mes passions, tout ça. Voilà, tes passions, par exemple. Voilà, trois qualités, trois défauts. Non, je rigole. C'est ça, c'est un embauche finalement, vas-y, tu peux y aller. Hein. C'est un entretien. Non, alors, ce que j'aime dans la vie, je vais y aller très simplement. J'aime lire, j'aime jouer aux jeux vidéo et j'aime particulièrement la culture japonaise et américaine. Donc, vous pouvez tout de suite comprendre que pour les Power Rangers et Tokusatsu, d'un coup, il y a un petit lien, quoi. On va pas se mentir. Niveau lecture, je suis plus un gros fan de comics et un fan de manga, mais je suis plus comics que manga, du coup. Comme beaucoup, mon super-héros préféré, c'est Spider-Man, voilà. Enfin, pour Marvel. Puis par contre, chez DC, moi, c'est pas un grand super-héros, mon héros préféré. C'est plutôt un ancien sidekick qui s'appelle Nightwing, donc le premier Robin. Sinon, j'ai découvert Power Rangers quand j'étais tout petit, hein, comme beaucoup d'entre nous. Un jour, j'ai découvert la vérité derrière, donc qu'en fait, ça venait des Tokusatsu, il y a genre peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et du coup, je me suis intéressé aux Tokusatsu et j'ai commencé à en regarder. Donc, j'ai regardé certains Sentai et aussi quelques Kamen Rider depuis. Donc, Non, mais très, très bien, très, très bien. J'étais bouche bée, j'étais pendu à tes lèvres. Effectivement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Incroyable. Je me suis un chouï à mon micro, voilà. Je vais me présenter un petit peu, du coup, un peu dans le même principe. Donc, moi, c'est Arthur Souti. Hein. On met les noms de famille, on a l'habitude. Pareil, hein, moi, je suis enfant des années 90, hein, 26 ans. Team 94, comme on dit. Donc, voilà, on reste des gens assez jeunes hein, dans la communauté Power Rangers, malgré tout. Hein. C'est plus une communauté un peu de darons. Malgré tout de force parce que beaucoup en fait ont connu déjà avec le début de Mighty Morphin sauf que nous on a connu avec en fait finalement l'arrivée de Zeo MMPR on était même pour la saison 3 on était encore trop jeune donc moi mon même mes premiers vrais souvenirs, c'est d'être Turbo. C'est pour dire, donc voilà, c'est 94-95, on est plus aux alentours de Power Rangers Turbo qui vont nous faire vibrer, même In Space, pour toi, si je veux, ça se trouve, Eric, qui est de 95. Donc voilà, on est plus sur des séries plus récentes, mais voilà, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion finalement. voilà. Et donc voilà, moi c'est Power Rangers, hein, voilà. Oui, vous avez compris, c'est Power Rangers, hein, évident. Mais voilà, sinon, moi, grand fan de pop culture de façon générale, hein, jeux vidéo, anime, comics, littérature, jeux de société, jeux de rôle, voilà, tout l'univers de l'imaginaire finalement, ça c'est ce qui me botte. C'est son kiff. Voilà, puis la création de format, le partage, j'ai roulé ma bosse, hein, comme on dit, effectivement. Terrible, mais voilà, c'est. J'aime tester les formats, j'ai fait de l'écriture, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait du live, et là on est au podcast, effectivement. Un multitâche. Voilà, le multivers, le lore d'Arthur, évidemment, le fameux, hein. Tout est lié finalement, tout vient ici. Mais voilà, j'aime tester plein de choses, et là c'est le podcast, et c'est finalement le format dans lequel je me retrouve le mieux. Pour le côté moins de pression, etc., etc. Mais on a déjà parlé dans un autre podcast qu'on parlera à un moment, effectivement. Mais voilà, donc c'est nous. Ça, c'est nous deux. On est amis dans la vraie vie. On vit dans la même ville. Oui. On se connaît depuis une bonne. Depuis 6 ans. 6-7 ans déjà maintenant. Donc voilà. C'était mon âme sœur sur beaucoup de mes passions. Et j'aurais jamais pu lancer ce podcast sans Eric, donc je te remercie encore d'être allé dans l'aventure parce qu'il n'existerait pas sans toi, à 100%. Bah, merci à toi, hein, merci de m'avoir invité. Bah, t'es plus qu'invité, hein, t'inquiète oui, pas. Non, bah, oui, enfin, voilà, de m'avoir donné ce rôle important. Bah, c'est avec un grand plaisir, voilà, parce que je ne voulais pas créer tout seul tout ça. Mais on va expliquer de comment est venu ce podcast. Mais avant tout ça, donc voilà, on a un autre podcast. Donc Eric n'est pas co-host sur ce autre podcast, ça s'appelle Any Minute EX, mais il est très régulièrement invité. Podcast du coup qui parle de pop culture japonaise au sens large, très très large, hein, vraiment. Donc ça va être anime, jeux vidéo, drama, musique, etc. Et tout ce qui touche finalement à tout cet univers. Donc des fois on parle un peu de rap français, on parle de comics, etc. Dès que ça touche de près ou de loin, c'est très vulgarisé, c'est pas fait pour forcément les gros connaisseurs. En fait, c'est un podcast qui, contrairement du coup à Podcast of the Great, qui n'est pas écrit, c'est un podcast de discussion et de débat où on va essayer de tâter un petit peu le terrain sur plein de thèmes, de sujets. Il y a des petits jeux, on est là pour s'amuser, pour rigoler entre potes, des invités récurrents. Enfin, c'est quelque chose qui est plutôt feel good, où on essaie quand même que vous tiriez quelques infos, quelques envies en tout cas derrière, mais sans non plus aller dans le très technique, entre guillemets puriste, qui pourrait en rebuter quelques-uns. Donc, on est bientôt à un an d'Animuti X, hein, mois de décembre, ça y est. Dans un mois, ça fera un an. On prépare un anniversaire au déconfinement aussi, du coup, malheureusement. Ça aurait dû être en décembre, mais bon, on a un très bon épisode qui arrive pour celui, donc c'est un peu moins grave, on va dire. Mais voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez nous écouter dans d'autres conditions, comme plus dans cette condition de hors-série, finalement, n'hésitez pas à aller checker Animuti X. On a déjà 7 ou 8 épisodes, du coup, en ligne, sur divers sujets, divers invités. Et il y en a bientôt, un peu pour tous les goûts. Il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a un épisode déjà sur un tokusatsu sur du coup le dernier finit en date, Ryu Solger. Si du coup Power Rangers et les Sentai vous intéressent, n'hésitez pas à aller checker cette hors série. Vous y retrouverez un petit peu. Puis bientôt un sur Kamen Rider Zero One. Bref, on va se recentrer. Il va bientôt sortir. Exactement. On va se recentrer du coup sur Power Rangers et sur un peu la genèse, sur comment est-ce qu'on a créé ce podcast, d'où est-ce que ça vient finalement. Et ça vient d'un projet de longue haleine, ça fait un moment que moi, je travaillais de mon côté un peu, déjà à réunir en fait de même des infos sur Power Rangers, parce que quand on est passionné, on aime tout savoir, effectivement. Ah oui, ah oui. Et, c'est clair. Et du coup, moi j'ai commencé à rassembler des informations, parce que c'est quelque chose déjà que j'aime, et j'ai travaillé un peu là-dedans, j'ai fait des études dans la recherche d'informations. Et donc, moi, je récolte, et surtout, je vérifie tout, je regarde tout est bien clean. Et je commence à avoir plein de choses. Et j'avais envie d'écrire un vrai livre de référence sur la création de Power Rangers. Je voulais un vrai livre 100% fact-checké, propre, etc. The Livre, exactement. Qui permettait, du coup, de tout avoir dans cette Bible de Power Rangers. Faire découvrir au monde. Donc j'ai bossé exactement du coup 3 ans et demi du coup à créer ce livre de toutes pièces. Il existe, il existe numériquement, il est là, il est beau. Mais effectivement, se faire éditer en France, encore plus dans un sujet ultra de niche comme Power Rangers, c'est un peu mission impossible. Donc, j'avais ce livre. Vraiment avoir des gens, faire des connaissances. Ouais, ou voilà, faut avoir entre guillemets du piston, pas forcément dans le sens négatif du terme, hein, c'est normal, hein, c'est des choses qui arrivent. Et je comprends, hein, c'est les maisons d'édition, elles ont besoin, comme je dis, en plus sur des sujets encore plus de niche comme ça, d'avoir au moins un nom qui le vend. Par exemple, en France, on a quelques gros streamers qui parlent quand même pas mal de Power Rangers. Par exemple, on a Benzaï qui est quand même assez fan du genre et qui achète quand même énormément de jouets, notamment, enfin surtout même de Sentai. Et lui, il est très fan, par exemple, soit de MMPR, soit du coup de Go. Gokaiger. Non. Oui, oui, bah, non, de Super Mega Force. J'ai toujours un doute. Ah oui, super. Oui, bah oui, du coup. Gokaiger, ouais, on est d'accord. Donc de Keizoku Sentai Gokaiger. Et en fait, du coup, il en parle pas mal. Et donc, après, je ne pense pas qu'il aime beaucoup ça, il a plein d'anecdotes intéressantes, il connaît plein de choses quand même. Après, évidemment, il n'a pas poussé au point où moi ou d'autres personnes, hein. Alors là, je ne suis pas du tout le seul, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait des recherches sur Power Rangers, loin de là, au contraire. Et, mais je pense que si lui d'un jour prenait l'envie de dire « Ok, je veux parler de Power Rangers » et qu'il allait voir une maison d'édition française, je pense qu'on l'accueillerait un peu plus à bras ouverts. Ça, c'est sûr. Ouais, il y a clairement moyen. Mais ouais. Après, d'un côté, s'il fait un travail propre que ça se vend, mon but, c'est pas de vendre quelque chose à mon nom, forcément, même s'il n'y a pas mon nom sur le truc, je m'en fous. C'était juste, j'aimerais qu'en France existe un vrai ouvrage Power Rangers. C'est ça mon but premier. C'est pas mon but. La preuve, c'est que le podcast est à peine signé, au final. Sans ce hors-série, finalement, on serait juste deux voix. Au contraire, j'aime qu'un livre vive par lui-même et pas forcément par son auteur. Voilà, après c'est des débats, etc. Mais voilà, j'aurais aimé qu'un livre de référence Power Rangers existe en France. Il n'existe toujours pas. Il y en a un en Amérique qui est excellent, et encore, qui n'est pas 100% complet, qui a un peu quelques biais, je trouve, dedans, mais qui est excellent. C'est The Ultimate History, donc Power Rangers The Ultimate History, donc sorti en novembre 2019. Non, novembre 2019, du coup, en Amérique. Ah oui, je pensais que c'était plus tôt. Enfin, non, parce qu'il va du coup jusqu'à. Il s'arrête pile avant Beast Morpher, du coup. Donc, vraiment, il est ninja là, je sais plus comment il s'appelle. Okay. Bah, c'est super ninja style. Ah oui, voilà, ouais. Et donc, voilà, c'est on va dire un peu le meilleur ouvrage sorti à ce jour qui n'est pas à 100%. Alors, c'est du pinaillage, hein, mais il manque des ou trois choses. Il y a d'autres choses pas très fact-checkées. Disons que moi je suis à un point un peu on en parlera tout à l'heure avec vos questions parce qu'on va également répondre à vos questions comme on disait voilà, je suis un peu rigide sur certaines choses pour être sûr et certain parce que j'aime pas m'avancer sans savoir, etc. Mais du coup voilà, j'avais cet ouvrage propre, bien, il est là, il est gros, il est propre, mais je savais pas quoi en faire. Au début je me suis dit au pire tant pis, je le poste on va dire chapitre par chapitre sur un blog ou un site, etc. Pourquoi pas, et j'aurais pu le faire effectivement, hein. C'est vrai. Mais voilà, j'avais de côté et j'avais toujours un peu d'espoir. Je me dis que si vraiment je le mets en ligne, alors là c'est sûr, je me fais jamais éditer en fait. C'était vraiment l'aveu de c'est fini, il n'y a plus d'espoir, quoi. Ouais, c'est vrai que. Oui. Parce que du coup, voilà, comment tu vends quelque chose qui existe déjà en ligne gratuitement? Voilà, c'est toujours la question. Vous avez 4 heures ou beaucoup plus. C'est ça. Et du coup, je réfléchis et du coup, avec Yannick, mon co-host sur Animute EX, on lance justement ce fameux podcast, Animute EX. Et on se prend au jeu, l'exercice est cool, on a des très bons retours, ça marche bien. Et je me dis, est-ce que finalement, c'est pas intéressant de le compter un peu sur... en fait, on fera un podcast. Et je me suis dit, bon allez, banco, podcast, et si le podcast marche, et du coup, techniquement, je deviens un nom, et je peux peut-être aller plus vendre mon livre à des éditeurs, finalement. Ce serait le but ultime, c'est que si ce podcast marche vraiment énormément, on le finit quand même. C'est comme le but, c'est qu'on le finisse. Ah bah oui. Je le vois quand même indépendamment parce que c'est deux expériences différentes. Et après, si tout va bien, le livre, un jour, arrivera. Voilà. Ah bah, c'est tout ce que je te souhaite. Puis en plus, ça serait bien parce que le podcast, si tu tombes sur des gens qui n'aiment pas lire, le podcast, c'est le format idéal. Ah oui, en fait, ça, c'est que après le podcast, ça reste un format encore un peu jeune en France, hein, malgré tout. Ah oui. C'est sûr, mais voilà, c'est cool. Et donc après, je voulais pas le faire tout seul. Parce que déjà, je ne voyais pas parler, compter tout seul, ça ne m'intéressait pas. Je voulais partager l'expérience. Et Eric, tu as cette façon, pareil, de quand même bien rebondir, approfondir, animer. Enfin, t'as une fibre qui est vraiment assez incroyable pour l'entertainment, finalement. Je suis un bavard. Voilà, exactement, t'es un bavard, mais dans le bon sens du terme. Et du coup, puis même, t'as cette passion pareil, de Power Rangers que je partage, qui est le seul dans mon entourage à partager proche, en tout cas, en plus. Et je me suis dit, pareil. Je peux pas le faire sans lui, c'est impossible. Et c'était le cas, je pouvais pas le faire sans toi. Et donc, je t'ai embarqué, je t'ai forcé la main et je t'ai mis dans ce bateau. Il m'a séquestré, non, je rigole. Je t'ai mis dans ce bateau qu'est ce podcast qui a un planning sur encore 4 ans minimum. Et oui. Surtout si on est confiné, ça va bien durer encore plus longtemps, c'est bien. Vous avez pas fini de nous entendre. Hein. Non, en espérant que ça connaît de vous plaire, évidemment. Mais voilà, donc je t'ai embarqué là-dedans et te voilà. Ouais, finalement. Si on m'avait dit un jour que je ferais un podcast il y a quelques années, je l'aurais pas cru. Tu m'étonnes. Et du coup, ça va pouvoir un peu du coup engendrer la suite. C'est qu'est-ce que toi, comment t'as un peu vécu ce début de Podcast of the Grid, les retours de ce premier épisode, ces enregistrements un peu. Voilà, comment t'as vécu ce début d'aventure en tout cas. C'était un peu. Comment dire. Enfin, c'était nouveau parce que parler sur un podcast, je l'avais fait auparavant sur Annie Minute EX. Ouais. Mais faire un co-host, donc quand même avoir une responsabilité quand même en plus, ça m'a, comment dire, enfin, ça m'a surpris. Et puis, je pensais avoir une espèce de pression sur les épaules, mais au final, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, j'ai eu un petit stress comme tout débutant, mais c'était rigolo, enfin, faire les voix de Zordon et d'Alpha, on va pas se mentir, c'était quand même vachement marrant. Ouais, c'était cool, ouais. Et puis, ce qui est bien enfin, avec le podcast, c'est que autant je parle, mais autant j'en apprends avec ce que tu dis, oui, justement, avec les infos qu'on cherche. Ouais. Du coup, je suis un peu aussi bien un co-host qu'un, comment dire... Qu'un auditeur, technique, entre guillemets. Qu'un auditeur, voilà, j'ai deux rôles et ces deux rôles me plaisent bien. Enfin, je suis un agent double. Ouais, je suis aussi bien sur le plateau qu'avec vous, mes chers auditeurs. C'est ça. De toute façon, dans vos questions, vous demandez un peu comment on travaille. On y répondra tout à l'heure, du coup, comme on se partage un peu les tâches. Mais voilà, vous verrez, on a essayé de faire ça au mieux pour que ce soit un peu naturel. Encore plus dans les prochains, effectivement. Parce que pareil, ça fait partie de vos retours. Ah oui, voilà, oui. Il y a ça, alors. Moi, je suis pas encore... J'ai pas l'âme théâtrale non plus. Ah non, mais moi non plus. Voilà, le naturel arrivera, mais ça prendra son temps. Voilà, on va tout faire pour s'améliorer, c'est l'important. En tout cas, moi, pour ce début d'aventure, pareil, c'est un podcast écrit, du coup, à 100%. Enfin, à 100%. Mmh. On t'expliquera comment ça se passe, effectivement. Mais voilà, c'est un podcast qui est très préparé, où du coup, chaque mot qui sort, on essaie d'être sûr. Enfin, on essaie, c'est que... S'il y a quelque chose, on a un doute, on refait la prise, on coupe au montage. Ouais. Voilà, c'est que c'est un podcast où on pèse chaque mot, donc ce qui est quand même très dur malgré tout. À l'inverse, Dany Minute, du coup, comme on disait précédemment, qui est quelque chose où on n'écrit pas, où on y va vraiment en pure impro, du coup, techniquement, qui est une vraie discussion. Donc voilà, c'est un exercice qui est très nouveau pour nous deux, qui est loin d'être simple, hein, mais bon, on savait dans quoi on s'embarquait. Hein, mais qu'on... On est content voilà, en tout cas, moi en tant que, on va dire, producteur, du coup, entre guillemets, du coup, tout ça, je suis très content du rendu de l'épisode 1. Il y a des défauts, il y a vraiment des défauts, il n'y a pas de soucis. Notamment, un peu de manque de naturel dans les échanges. C'est vrai. Des fois, on dirait qu'on joue alors qu'on joue pas, en plus, c'est rigolo, mais du coup, c'est qu'on n'est pas naturel, on est naturel tout le long, donc au moins, on était cohérent. Mais voilà, donc évidemment, il y a encore un petit manque de naturel. J'ai encore tendance à parler, je pense que vous l'avez encore dans les oreilles, un peu trop vite, voire beaucoup par moment. Et du coup, j'ai tendance à manger un peu de mots. Je parle vite dans la vraie vie de tous les jours. Et, pourtant, malgré que je m'entende dans mes oreilles, ça range pas. Donc, faut que je m'améliore là-dessus, ça c'est sûr. Mmh. Puis en plus, Eric a l'habitude de m'entendre dans la vie de tous les jours. Du coup, je pense que toi aussi, tu te rends peut-être pas compte quand je parle trop vite, forcément. T'es peut-être un peu plus habitué que les auditeurs, en tout cas. Ah en 7 ans, ouais, t'inquiète. Ouais, je m'en doute, ouais. Je suis vite habitué, au final, mais ça doit en choquer d'autres, mais... J'ai eu des petits retours là-dessus, mais voilà, c'est... En gros, c'était plus là-dedans. Les retours étaient plus étaient que sur la forme, d'ailleurs, pas du tout dans le fond, et j'en étais très, très content. Le seul retour de fond, voilà, d'ailleurs, on va parler maintenant, c'était Alors oui, on nous a demandé de donner notre avis, en fait, donc d'apporter de la subjectivité dans le podcast. Et je ne sais toujours pas trop quoi en fait faire par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'à la base, on voulait vraiment faire un podcast en pure objectivité 100%. Ouais. C'est toujours d'ailleurs l'objectif. Où, comme on dit, chaque mot est pesé, chaque information est vérifiée, est fact-checkée. Du vrai journalisme. Enfin voilà, on vérifie 10 fois, on vérifie les sources, on vérifie un maximum de choses. On veut pas s'avancer en fait. C'est que le but c'est pas de dire on pense que machin et tout. On n'est pas un tabloïd, on n'est pas closer, voilà. on s'en fout de ça. Exactement. Je préfère dire on ne sait pas que de dire qu'on n'est pas sûr. Voilà, c'est ça, que de dire en fait ouais on n'est pas sûr machin et tout. C'est vraiment pas le but du tout. Donc voilà, et du coup voilà, on nous a dit mais est-ce que ce serait sympa que vous donniez en fait votre avis sur la saison dans laquelle vous parlez. Donc là par exemple, on a parlé de la saison 1 de Mighty Morphin Power Ranger non, pas encore en fait, non, c'est le prochain épisode. On n'a pas parlé. C'est le prochain épisode. C'est le prochain épisode. Je suis tellement dans l'épisode 2 déjà que j'ai l'impression qu'il est déjà fait sorti, mais non, c'est lui qui doit sortir. On a parlé que de Saban. Et donc voilà, on a parlé du pilote. Donc on a parlé de Saban et du fameux épisode 0 voilà, du pilote. Le fameux. C'est ça, avec le même que nous avons couvert. Mais ouais, du coup, c'est vrai que j'étais tellement dans l'écriture de l'épisode 2 que pour moi, il était déjà tourné. J'ai failli balancer des infos, du coup. Oh là là, t'as failli spoil. Il a failli spoil. Et voilà, et du coup, en vrai, sur Saban, c'est un peu dur parce qu'en plus, juger une personne en tant que telle, ça aurait été un peu gratos. Parce qu'effectivement, Saban, ça reste un homme d'affaires. Hein, donc. Les affaires sont les affaires. C'est malgré tout, il fait des bons choix, mais après, on sait très bien que derrière, le but, c'est le critique, etc. Enfin, bref, ça aurait été un peu mal vu de donner son avis sur une personne. Hein, on a le droit d'aimer ou pas aimer quelqu'un. Après, effectivement, les saisons, on pourrait. On sait pas encore si à la fin, on va donner notre avis ou pas sur la saison en cours, parce que c'est. En plus, par rapport à la côté un peu narration, pareil, on y arrivera, on a des questions là-dessus tout à l'heure. Je sais pas trop. Soit on garde vraiment le corps en objectif. Et pourquoi pas faire un mini hors-série à chaque fois sur qu'est-ce qu'on aime dans la série. Pourquoi pas. Après, ça veut dire qu'on fait un hors-série à chaque fois. Est-ce qu'on fait pas un gros hors-série tous les 6 mois. Avis des épisodes. Ouais, pourquoi pas. On va voir. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous préférez entendre, hein, parce que c'est quand même pour vous si complet malgré tout. Mais voilà. Sur quels critères juger aussi, parce que mine de rien, des critères, il y en a beaucoup. Non, mais après, voilà, c'est subjectif, c'est ce qu'on aime ou pas. C'est la question, c'était pas en mode avis constructif forcément, c'était est-ce que nous, on aime ou pas la saison, tu vois, par exemple. Ah oui, mais... avis du cœur. Ouais, voilà, avis du cœur, c'était plus ça. Donc voilà, moi, je partirais plus sur du hors-série que dans les corps. Je sais pas pour toi ce que t'en penses là-dessus. L'idée du hors-série c'est pas mal, faut juste que ça fasse pas trop liste d'épisodes. Tu veux faire un hors-série par épisode ou... non, ce serait enfin, par série, je veux dire, mais où soit on fait un par série on fait tous les 6 mois, enfin à voir, mais voilà, mais en termes de hors-série quoi, parce que dans les canons quoi. Ouais, non, l'idée du hors-série est pas mal. Ouais, bah puis au moins on dévira pas trop. Ouais, voilà. Dans les épisodes. On y réfléchira. N'hésitez pas à nous dire en tout cas vous ce que vous préférez, mais on va voir pour ce fameux côté subjectif avis comment on va le mettre en place quoi. On va le mettre en place. Après voilà, on refera d'autres hors-series en tout cas, c'est sûr, un peu en mode carnet de bord comme ça avec des questions. Je trouve ça cool vu que ça reste un podcast en plus qui est du coup un peu romancé dans l'idée. Ça permet de faire des points là-dessus, parce que du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir dire ne serait-ce qu'un peu merci au début des podcasts et tout, malgré tout. C'est clair. Voilà, donc on prendra des hors-séries un peu ponctuelles comme ça pour vous remercier encore une fois pour les retours de folie. Hein, merci que vous à la avez commu, hein. Fait, parce que c'était quand même assez ouf, quoi. Allô ? Allô, je t'entends. Oui, parfait. Parfait. On va passer un peu à la suite, finalement. C'est vos questions, évidemment. Et donc, vous avez posé pas mal de questions. Alors, déjà, merci beaucoup, du coup, au Discord de la culture Tokusatsu française et au Discord de la streameuse Binolodino, qui sont finalement les deux Discord qui nous ont beaucoup boosté, beaucoup poussé, beaucoup aidé dans la création, malgré tout. Ils ont donné beaucoup de retours et du coup, quasiment toutes les questions viennent de là-bas, quasiment, évidemment. Donc merci à vous, vraiment merci beaucoup. Merci. Ouais. Et donc la première question, c'est tout simplement comment on crée un épisode de Podcast of the Grid, comment est-ce qu'on se répartit le travail, quelles sont un peu finalement les étapes. Est-ce que tu peux un peu nous résumer finalement ces étapes, mon très cher Eric ? C'est l'heure du making of. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. C'est l'heure du making of. Et ben, alors, il y a deux co-hosts. Enfin, il y a deux hosts. Du coup, il y a deux, voilà, il y a deux travaux différents, on va dire entre guillemets. On a Arthur qui lui va plutôt écrire le texte quand même. Ouais. Rechercher les idées, refaire relire au cas où. Moi, quand je reçois le texte, je vais lire le texte, bien évidemment, et je vais faire mes petites recherches de mon côté pour voir ce que je peux rajouter ou agrémenter dans l'épisode. Et puis après, on en parle entre lui et moi. Ouais. Hein, il y a toujours la communication. Hein, la communication dans tous les domaines, c'est important. Et du coup, on se retrouve. Le temps d'une soirée, enfin pas entièrement une soirée, à enregistrer le podcast. Bon, moi j'ai toujours mes 20 000 questions à lui poser pour être sûr de ne ouais, pas trop. Enfin, de savoir où on va, de ne pas trop divaguer, enfin des choses comme ça. Puis aussi pour pas. Comment dire. Enfin, je suis bavard, mais pour pas entrer dans le côté obscur du bavard. Et après on tourne. Donc, on commence, on parle. Si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on coupe, on recommence. Un peu comme au cinéma, hein, voilà. Hein. On fait des prises. Non. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des prises audio, au final. C'est... Oui, oui, de toute façon, il y a beaucoup de montage hein, dans Podcast of the Grid. Hein. C'est contrairement à des, comme on dit beaucoup, Animity X, qui n'est quasi pas de montage. Podcast of the Grid, c'est beaucoup de cuts, beaucoup de reprises. Beaucoup de... On fait beaucoup les prises pour être sûr. Encore une fois, on pèse chaque mot. Donc, voilà. S'il y a un mot, il y a vraiment, on a refait des prises pour un seul mot lancé en fait. Et aussi pour quelques tons des fois, c'était un peu. Oui, après voilà, c'est en plus tout ça, mais voilà, c'est le plus souvent les prises refaites en termes de contenu, c'est vraiment parce qu'il y a un mot qui a été lancé ou des choses où en fait c'est qu'on a tendance à mettre aussi en fait des fois un peu notre subjectivité. Et le plus dur, c'est de garder l'objectivité à 100%. Et on a vite fait de dire même si par exemple. Même si certains pensent pas, ou même si certains aiment pas ça, ou même si moi j'aime pas ça, on invite à donner en fait, notre avis, parce que c'est humain, c'est naturel. C'est naturel, oui. Ouais, ou même des fois, voilà, on glisse des théories, notamment dans l'épisode 1, là, c'est quand il quitte, quand il arrive à New York, du coup, pas à New York, à Los Angeles, pour repartir de zéro, on a refait plusieurs fois la prise, parce que soit on disait. Soit on donnait un jugement de valeur positif en mode c'est couillu, bravo, ou alors on disait parce qu'on pense qu'il a fait ça machin, des trucs du genre. On va payer d'impôts, des choses comme ça. Oui, enfin ouais. Voilà, c'est que. Y avait voilà, en fait, on essaie de justifier certains choix de Saban alors qu'on n'avait qu'une source, comme on disait quoi. C'était que des suppositions, et qu'en fait, c'est juste que c'est des biais de langage où on a tendance à vouloir rajouter un peu notre hypothèse. Du coup, voilà, on a vite fait de retourner ce genre de prise, quoi. Du coup, je pense qu'on a bien défini ça. De toute façon, il y a plein d'autres sur comment on travaille. Là, c'est une question qui est un peu plus pour moi, parce que c'était mon idée, du coup, de base. Pourquoi la volonté de faire une narration et de faire un peu de mettre un univers autour de ce podcast. Donc, comme je dis, c'était un peu une lubie de ma part de ce coup-ci. Je me suis dit, c'est que, encore une fois, quitte à faire un truc audio écrit, autant y aller jusqu'au bout et faire un minima de narration. Et en fait, je voulais un peu qu'il y ait cette aura de nous aussi, finalement, on fait part de maintenant la légende, un peu Power Ranger, finalement, sans être canon. Mais par exemple, pour les plus gros aficionados, il y a Power Ranger Hyper Force, qui est un jeu de rôle sur Twitch, Power Ranger qui dure depuis des années. Et qui est même canon maintenant, qui sont dans les comics, qui sont dans les jeux vidéo, etc. Ah oui, effectivement. Après, c'est produit, hein, de toute façon, par Saban, etc. Donc, c'est normal. Mais à la base, ça reste une bande de potes qui ont voulu faire un JDR Power Ranger. Et même si nous, on ne serait jamais produit par Saban, hein, et c'est pas grave. Hein, limite, tant mieux, comme ça, on est sûr de dire vraiment des choses 100% pas biaisées, quoi. Même si, vu que c'est objectif, après, voilà. Au moins, on ne mettra rien du tout volontairement. Ce sera plus ça, l'idée. Mais voilà, je voulais faire cette narration et c'était un petit défi que je voulais faire. Et je sais pas, j'aime bien parce que du coup, ça m'a un peu facilité de me dire même si finalement les personnages c'est littéralement nous, bah on est quand même techniquement dans un personnage et ça m'a un peu aidé à de me détacher quand on tournait, en tout cas pour ma part. Je sais pas si toi t'as fait un peu cet effet là. Bah ça m'a fait un peu l'effet troisième personne. Ouais, voilà, du coup c'est ça. C'était moi mais pas moi, donc voilà. Mais moi j'ai trouvé que c'était marrant, en fait, intéressant de. Ouais, voilà. Enfin, le coup de la narration, quand tu m'en as parlé, je me suis dit, bah, tiens, c'est pas une mauvaise idée, ça change, ça rajoute du contenu, ça rajoute. Enfin, je vais pas dire la nouveauté, parce que les podcasts avec de la narration, oui, les audios avec de la narration, ça. Les sagas MP3 déjà, quoi, chez mais, nous, voilà. Voilà. Mais moi je trouvais que c'était marrant. Enfin, tu vois, enfin. Ouais, puis nous, on s'aimerait à le faire. Puis c'est pas le cœur du sujet, encore une fois, c'est que. Et surtout, oui, voilà, pourquoi... on fait avec plaisir, quoi. C'est voilà. Pas... Pourquoi c'est l'introduction, pas on en a fait un épisode 0 parce que du coup, il est facultatif pour le contenu. Il est obligatoire si vous voulez voir la narration, parce que du coup, c'est un peu le. On pose les bases de l'univers. Même le trailer est techniquement obligatoire et encore. Et encore. On met les narrations toujours en fin d'épisode. C'était toujours, mais il n'y avait qu'une sortie, mais les narrations sont toujours en fin d'épisode pour que les personnes qui ne veulent pas les écouter. Et juste, on arrive à la fin, elles s'arrêtent, elles écouteront juste le prochain podcast. Le but, c'est pas de prendre au piège avec forcément une grosse narration au début, au milieu, à la fin, tout le temps. C'est un bonus pour ceux qui veulent. Et ça permet un peu de donner du lien et de la matière, en fait, entre les épisodes. Comme ça, on a un peu, du coup, ce... Et ça donne un peu ce côté cliffhanger où, du coup, l'attente, c'est pas juste aucun épisode. On a un peu ce côté attente. Voilà, on voulait que ce soit optionnel pour ceux qui veulent. Voilà, c'était l'important. Alors, exactement. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine question auquel tu vas pouvoir du coup répondre, Eric, finalement. Est-ce que les épisodes donc, sont écrits vraiment entièrement mot par mot, ou est-ce qu'on a vraiment une ligne directrice pour essayer de garder un peu de naturel? Et je te laisse répondre à ça, du coup, mon très cher Eric. Eh ben, c'est pas écrit mot à mot, en fait. Enfin, on lit pas un simple texte qu'on a écrit. Il y a un texte, mais comment dire, c'est libre à nous de rajouter des informations, comme j'en parlais tout à l'heure, ou de se coller à l'idée principale. Mais il est surtout là pour nous aider au cas où on trouve pas nos mots. Mais Arthur, il m'a déjà écrit des paragraphes et je les lis pas comme. Comme une poésie, quoi. Enfin, oui, voilà. Voilà, c'est naturel. Enfin, il y a le texte, mais c'est naturel. L'idée générale, en fait, c'est que on met les informations, du coup, les informations clés, en fait. Et le but, c'est qu'il y ait que ça décrit, ouais. Et quasiment, même si j'ai tendance un peu, vu que j'ai des phrases en test, à les noter bêtement. Mais en fait, voilà, le but, c'est d'avoir l'information principale et qu'autour, en fait, on mette le lien, on mette l'enrobage qui font une liaison entre les mots, entre guillemets, exactement. Quoi, finalement. Et pour le naturel, en fait, c'est que quand on se pose des questions, on dirait que c'est mal joué, c'est sûrement le cas, mais en fait, c'est parce que, alors que finalement, c'est le cas, enfin, surtout pour Eric, parce qu'en fait, Eric n'a pas toutes les informations. Je fais exprès de ne pas lui donner plein d'informations. Voilà, quand je pose des questions, Eric, il n'a vraiment pas la réponse. Là, pour le coup, c'est que, à part si on fait une prise, et encore sur la question, c'est pas grave, du coup, vu que c'est là, on vient sur de la pro, en général, on ne fait pas les prises. Mais voilà, c'est que quand je pose une question à Eric, je la pose vraiment et Eric ne sait vraiment pas la réponse. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est un peu bête. C'est gâcher une surprise. Non, c'est, voilà. Et surtout qu'Eric, il a vraiment des bonnes réactions. Je trouve ça cool. De façon générale, il est très naturel dans ce qu'il fait. Et donc, voilà, c'est quand on pose des questions, c'est naturel. Et quand on ne sait pas ou quand on réagit, c'est souvent naturel également. Et voilà, je vous laisse côté un peu réaction d'Eric et du coup je lui donne pas toutes les infos, les informations un peu clés, un peu choc, on va dire. En général, il les a pas. Évidemment, c'est des trucs qu'il doit dire, il les a. C'est mieux parce que sinon il peut pas dire ce texte. Ce serait un peu complexe, quoi. Ce serait un peu complexe. Alors, on va continuer sur les questions. Est-ce que vous comptez faire un épisode par saison? Est-ce que vous comptez aborder des annexes comme les comics, les jeux vidéo, etc. Donc je vais répondre un peu à cette question. Il y aura effectivement normalement un épisode par saison. Donc là, Mighty Morphin Power Rangers, c'est prévu pour être 3 saisons, etc., etc. Il y a peut-être certaines saisons qui seront réunies, notamment tout ce qui est saison super, Mega Force, Super Mega Force, Samurai, Super Samurai, Ninja Steel, Super Ninja Steel. Et du coup, les deux saisons Beast Morphers sont sûrement en une également. vu que finalement c'est un peu une là c'est vraiment oui. une grande série puis à voir pour le prochain mais on en reviendra et après à voir finalement certaines saisons ont quand même un peu moins de de matière mais je pense c'est quand vrai. Même assez à chaque fois je pense juste que en fait les Mighty Morphin Power Rangers notamment saison 1 et saison 2 vont être très longues surtout la saison 1 parce que saison 1 il y a beaucoup de création d'univers de topo etc donc le prochain épisode du coup l'épisode 2 risque d'être très long enfin très long le premier fait 45 minutes si je dis pas de bêtises le premier risque de faire enfin du coup le 2 risque de faire au moins une heure, de faire une heure et demie au moins le double j'essaie de condenser un maximum pour aller droit au but quand même j'avoue que du coup je vais peut-être filtrer 2-3 trucs mais qui sont déjà dit dans le premier etc donc voilà je fais au mieux pour que ce soit propre et parce que 45 minutes c'était bien comme temps une heure max ça me plaisait bien donc on va essayer je pense que ce sera une heure et demie mais on va essayer de faire moins et par contre les prochains je pense qu'ils tourneront toujours d'une heure mais je pense qu'il y a certains épisodes qui feront peut-être 35-40 minutes parce que moins de choses à dire tout simplement en fait c'est, oui, voilà, et des saisons dès qu'on entre dans l'ère notamment Neo Saban là on commence à avoir moins ne serait-ce que d'infos en fait la vraie grosse zone creuse c'est même l'ère Disney parce que c'est l'époque aussi où pas mal d'acteurs ne veulent plus revenir jouer et du coup ils ne veulent pas répondre aux questions ouais. C'est l'époque où du coup pareil Disney il y a un peu moins de choses qui étaient dites ouvertement et c'est l'époque où il y a eu un peu le ventre mou des fans également donc voilà c'est une époque un peu creuse en termes d'infos pure et dure là où du coup c'est vrai qu'après même sur la fin de sur Neo Saban et là dernièrement avec Hasbro par contre, les acteurs sont vachement plus accessibles et du coup, on a plus tendance à facilement avoir des infos directement des acteurs. Même si, encore une fois, les infos des acteurs, même quand je leur pose, j'essaie de les vérifier derrière parce que finalement, même s'ils ont été dedans, on sait jamais. Ça reste leur parole contre ça se trouve d'autres. Après, si je trouve rien qui contredit, qui je suis pour leur dire qu'ils mentent, quoi. Encore une fois. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est que ça m'embêterait d'avancer des choses. Après, encore une fois, c'est que quand je les cite. Encore une fois, je les cite, donc c'est pas comme si je disais j'ai trouvé ça sur cette obscure, c'est que je les cite, et si c'est faux, erratum, et on sait d'où vient l'information fausse. Encore une fois, c'est un peu différent, si jamais ça arrive, évidemment. Oui, de toute façon, toute erreur serait réparée. Mais donc voilà, le but c'est normalement de sortir un épisode chaque mois, avec un épisode par saison, donc vous voyez, on est bientôt à la saison 27, donc ça fait 27 mois, et donc pour tout ce qui est annexe, oui, on compte. Peut-être pas tous les comics. Parce qu'il y en a beaucoup, j'aimerais. Alors, sûr, il y aura les comics de Boom, du coup, les derniers en. Ouais, les derniers en date. Parce qu'ils sont vraiment impressionnants, sachant que les anciens comics, c'est plus de l'annexe qu'autre chose, c'était un peu moins. À part 2-3, genre le crossover Justice League Power Ranger qui était cool. Et encore, c'est moins les vieux, ça. Mais. Ouais, il y a aussi Tortue Ninja, je crois. Ouais, mais ça, c'est récent. Ah oui, c'est le récent. Ça, c'est récent, ça va avec Boom, du coup, ouais. Mais voilà, donc tout ce qui est Boom récent, c'est sûr. Les anciens, peut-être un épisode qui réunira tout avec 2-3 infos, parce que pareil, c'est des niveaux infos sur les anciens comics, c'est chaud du fion, malgré tout. Donc voilà, à voir. Et jeux vidéo, oui. Pareil, sûrement des condensés, du coup, où à chaque fois on fera 3-4 jeux d'un coup, parce que pareil, les infos sur les jeux, c'est chaud. Et après, pareil, les jeux, on sait pas encore quel format on fait. Est-ce qu'on fait des formats un peu différents ou full objectif ou pas? On attend de voir arriver. Pareil, donc il y aura le film de 2017, ça c'est sûr et certain. Il sera bien dans la ligne. Moi je le considère comme une saison, donc il sera vraiment dedans, etc. Donc voilà, après avoir son. On vous dit, ça fait planning à 3 ans déjà, donc on va voir. On sait pas encore du coup si on entrecoupe en fait du coup les saisons par les comics ou si on fait vraiment full d'abord les séries. Moi j'aimerais bien faire full série, à voir comment ça évolue, à voir ce que envie d'Eric, à voir ce que vous avez envie vous aussi. Mais voilà. Après on peut toujours faire full série, mais. Enfin, full série, moitié série. Puis à la moitié des séries, on peut faire 2-3 comics, des choses comme ça. Oui, voilà. C'est... Ensuite, histoire d'avoir un petit. Comment dire? Pas changer de sujet, mais changer d'univers. Oui, voilà, enfin, c'est ça. Donc à voir, effectivement. Mais pour le moment, c'est sûr, ce sera série. Je pense au moins jusqu'à la fin de Last of Us. C'est sûr, parce que c'est dur de couper en plein milieu. Quoi. Donc voilà. Il nous reste 5 questions, exactement, tranquillement. Alors, là, c'est des questions un peu plus différentes, un peu plus personnelles sur nous, extérieures au podcast. Mon Dieu. Alors, celle-là, si, elle est un peu plus liée au podcast, mais elle est un peu touchy, mais je suis content qu'on me l'ait posée parce que je trouve ça important. La question, c'est, est-ce qu'on va parler du coup de l'homosexualité de l'acteur donc, de Billy, donc de David Yost David Yost qui joue Billy, le Ranger bleu, Mighty Morphin Power Ranger, donc qui est donc, homosexuel dans la vie de tous les jours. Hein. C'est ah bah tu vois, j'ai appris un truc, tu vois, je le savais pas du tout pour le coup. Bah voilà, c'est justement... Bah du coup, je vais répondre à cette question, vu que tu n'étais pas au courant. Donc, c'est David Yost, voilà, est l'un des rares acteurs qui a fait son coming out déjà assez tôt, du coup, dans sa carrière. Et sur le tournage de Power Rangers, ça lui a apporté quelques préjudices vis-à-vis d'un autre acteur. Et donc, j'ai vérifié avant de dire des noms, de faire tout ça, c'est que c'était Jason David Frank qui avait des propos... Alors, on n'a jamais eu les propos exacts, mais à partir du moment où quelqu'un se sent offensé, peu importe ce qu'il a dit, on dira le mot homophobe. C'est... Oui. Chacun sait son avis. Là, je donne des faits, je ne vais pas dire ce que j'en pense. Si toi, tu veux dire, moi, je m'en fous. Tu vois, mais moi, je ne dirai pas ce que j'en pense. C'est chacun... Non, je préfère rester voilà, neutre. C'est leur histoire. Enfin, je ne veux pas... Voilà, là, je vais exposer les faits. On a eu les propos des deux acteurs. Moi, j'étais leur DM des choses. Ils ont répondu vaguement à des choses. Ils ont répondu aux questions. En fait, ils sont assez ouverts là-dessus. Du coup, voilà, c'est sur Mighty Morphin Power Ranger. Et du coup, c'était pas jusqu'à Zéo, mais voilà, c'est pour dire que du coup, vous verrez à la fin. Donc, Jason David Frank, donc l'acteur de Tommy Oliver, Ranger vert, puis du coup blanc, puis rouge, puis etc. Enfin, bref. Acteur en fait de Power Rangers hein, qui porte beaucoup la licence sur les épaules. Après, là, c'est aussi la licence qui a fait sa carrière, etc. Bref, ça c'est. On aime ou on n'aime pas Jason David Frank. Moi, c'est quand même il a des choses. Voilà, encore. Je vais pas avancer là-dessus, tiens, ça sert à rien. Bref. Non, ça... moi, je ne même pas. En tout cas, je préfère. Moi, j'adore son personnage Tommy Oliver. Moi, Tommy Oliver, voilà. je suis des partisans, par contre, des gens qui aiment Tommy Oliver et que je trouve ça bien d'avoir un peu un visage référent dans les sens. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, je suis d'avis que j'aime bien avoir ce visage référent, etc. etc. Et donc, il a eu des propos et des remarques, du coup, comme je dis, qui ont été blessantes envers la sexualité de David Yost, donc, dans les termes et en définition homophobe. On n'a pas exactement ce qu'il a dit. Aucun des deux, donc soit David Yost, n'a voulu l'accuser de choses. Après, a priori, c'était surtout, comme il disait, des remarques de quelqu'un qui finalement ne connaissait pas l'homophobie, et qui n'était pas habitué de côtoyer des personnes homosexuelles. D'accord. Bah parce que... Alors, pareil, j'ai pas envie de justifier. C'est que, juste pour... On remet le contexte. Vous en faites ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Le contexte, c'est années 80... C'est début 90. David Yost est quelqu'un qui est très ouvert sur le, enfin qui vient d'un état ouvert au monde, donc via la mer, etc. Ou Jason David Frank vient d'un état beaucoup plus rural des États-Unis. Et on est dans les années 90 et les deux du coup ont dans la vingtaine. Vous en faites ce que vous voulez. Soit pour vous ça donne une situation amoindrissante ou vous en foutez. C'est moi voilà, je vous dirai pas mon avis. Chacun pense ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour donner un jugement, je suis là pour donner un contexte. Exactement. Et du coup, l'avis des deux acteurs, parce que c'est surtout par rapport à eux, il n'y a vraiment eu qu'entre eux deux. L'avantage, c'est que Saban est quelqu'un de très ouvert d'esprit. On le dit d'ailleurs dans son épisode, c'est qu'il voulait quelque chose une équipe voilà, qui est vraiment multiculturelle, etc. On accepte tout le monde. Et donc voilà, c'est que son homosexualité n'a jamais posé de problème dans la production de Power Rangers. C'est même l'un des acteurs qui est resté le plus longtemps dans l'histoire de Power Rangers. Hein. Avec justement Jason David Frank, c'est quelqu'un qui a le plus d'épisodes au compteur. Donc, tant mieux pour lui là-dessus, ça c'est vraiment bien. L'avantage, c'est que ça lui a jamais porté préjudice, en tout cas, dans Power Rangers, sur la sexualité. Mais voilà, Jason David Frank a eu des propos homophobes, comme on dit, factuellement. Et, comme l'a dit, et du coup, Dedios a dit, on en a discuté, on a mis les choses à plat. Et comme il a dit, c'était, je cite, une erreur de jeunesse. Les deux disaient la même chose, c'était une erreur de jeunesse. Jason et Frank s'est énormément excusé auprès de David Yost. Il a dit qu'il était juste simplement pas bien éduqué sur le sujet. Ouais. Et donc, il s'en voulait beaucoup, etc., etc. C'est pas devenu les meilleurs amis du monde. Ils ont pas forcément énormément de contacts aujourd'hui, etc. Ça peut se comprendre, hein, parce que je pense que ça devrait quand même faire mal. Mais bon, voilà, c'est que ils le disent eux-mêmes dans le texte, il n'y a plus d'animosité entre eux. Les choses ont été expliquées. Maintenant, vous avez les infos, vous avez ce que vous voulez. Mais pour répondre à la question, je ne pense pas qu'on abordera ce sujet dans le podcast. Parce que, encore une fois, c'est un sujet un peu touchy et qui finalement n'a pas d'influence sur les choix pris dans la série. Si jamais ça avait fait quitter David Diost de la série, par exemple, si jamais il avait été expulsé d'une équipe ou autre à cause de ça, on en aurait parlé. Parce que ça influait sur le processus de création de l'univers de la série. Sauf que là, en tant que tel, c'était quelque chose qui restait finalement entre la sphère du privé des deux acteurs. Et j'ai envie de laisser ça dans leur sphère privée à eux, entre eux, régler leurs problèmes entre eux. Et après, vous, voilà, faites-vous votre avis du coup sur cette situation vous-même. Si vous avez envie, entre guillemets, de haïr et de réprimander ce qui s'est passé, c'est votre droit. Si vous avez envie de pardonner, c'est votre droit. Là, on vous donne les clés. Vous savez ce qui s'est passé factuellement. Et on ne vous reviendra pas forcément sur le sujet. Mais voilà, comme ça, tout le monde sait ce qui se passe. On n'est pas là pour entasser l'affaire. On n'est pas là pour embellir les acteurs tout le monde. Moi, je suis quelqu'un qui aime le personnage joué par Jason David Frank. Donc, je ne vais pas non plus aller le défendre non plus. Voilà, vous avez notre avis factuel, notre avis. Vous avez les faits, voilà, c'est tout. On n'ira pas plus loin que ça. Tout simplement. tu as juste exposé les faits. Parce que, voilà. On nous donne des informations qu'on a eues et qui sont sourcées. Et voilà, chacun fait son avis là-dessus. Les seuls qui jugeront, ça sera vous, pas nous. Voilà, puis encore une fois, c'est que c'est à eux de faire leur jugement sur chacun des personnes, parce que c'est surtout les deux impliqués, quoi. Après, vous avez le droit d'avoir votre avis, on est là pour ça, évidemment. Mais voilà, vu que nous, on est là en tant que porte-parole un peu de la chose, on n'a pas envie de possiblement imposer un avis biaisé par peut-être nos avis, etc. Là, on a un peu un rôle, entre guillemets, à la mode de d'influenceur, parce que c'est vous qui écoutez. Donc voilà, si on commence à donner, si on commence à donner notre avis et que forcément ça peut biaiser le vôtre, c'est pas le but. Là, on a des faits sur des sujets comme ça qui sont quand même très, un peu touchy. On préfère y aller avec des pincettes et donner juste les faits. Voilà. Sujet un peu plus léger, mais quand même très intéressant. Je reprends mes questions. Je les prends. Alors, une grosse première question, on nous dit, ok, vous aimez Power Rangers, vu qu'on fait une émission et c'est très bien, mais malgré ça, malgré les qualités que vous y trouvez, vous, entre guillemets, positionnez comment vis-à-vis du concept même initial, image japonaise plus acteur US, et de son parcours historique, changeant de proprio avec Saban, Disney, Hasbro, etc. Donc pour résumer la question, c'est comment est-ce qu'on voit un peu tout le côté plus marketing, création de réutiliser finalement une licence pour l'américaniser à l'infini et tous ces rachats à l'infini sur licence, comment est-ce qu'on perçoit ça et quel est notre avis par rapport à ça? Je t'essaie de commencer là-dessus, mon très cher Eric. Alors moi j'ai deux avis en fait. Et vas-y. J'ai l'avis numéro un, genre qu'en fait Saban, il a eu une bonne idée de l'adapter au public américain et du coup occidental, mais cette bonne idée, c'est aussi une mauvaise idée, parce que du coup la série originale, pour beaucoup, les séries sur lesquelles sont basées les Power Rangers, du coup, sont pas forcément connues. Si je demande à plein de fans de Power Rangers ou à des petits-enfants, ils vont jamais me dire... Oui, c'est de niche. Oui, voilà, déjà, c'est de niche, et puis ils vont jamais me dire que ça provient du Japon. Et du coup, la série originale, et puis les acteurs japonais, enfin bref, tout ce qui entoure le Sentai, est un peu mis de côté, et on n'en parle pas, quoi. Après, je sais qu'il y a un ou deux épisodes dans la série Power Rangers où on voit justement les acteurs de Sentai. C'est exactement ça. Dans Dino Tonnerre, il y a un épisode où ils regardent justement un épisode de Super Sentai. Et j'aime beaucoup parce qu'il dit littéralement, il dit « Ouais, c'est trop nul et tout ». Et on va lui dire, il dit « Non, c'est pas nul. C'est une autre façon de voir les choses, etc. » Enfin, il y a un vrai beau message qui était un peu vraiment en direction des gens qui disaient « Le Super Sentai, c'est nul, Power Rangers, c'est mieux. » Alors qu'ils disent littéralement que c'est pas la même chose. Oui, voilà. Je sais que j'aime bien les deux séries. Au final, elles ont quand même beaucoup de points communs. Enfin, même si on enlève les combats, y a quand même toujours cette histoire de morale. Oui, en fait. Oui. Que ça soit dans le public japonais ou le public occidental. Donc ça, voilà, pour le coup, c'est pas dénaturé. Et sinon, niveau marketing pur, comme je disais, c'était une bonne idée pour vendre, c'était une bonne idée pour attirer des personnes, mais avant qu'ils fassent Power Rangers, par exemple, nous, les Français, on a bien eu les séries Bioman et compagnie. Ils n'ont pas changé les acteurs. Enfin, sur certaines séries, je crois, ils n'ont pas changé les acteurs. On avait quand même des acteurs asiatiques, japonais. Et Avant ça a fait... Mighty Morphing, c'était juste du doublage. Ah voilà, c'était juste du doublage? Oui. Ok, voilà, c'était juste du doublage. Et ça a bien marché. Enfin, à Oui, mais l'époque, ça en avait bien France. marché. En France, On oui, parle pas voilà. d'Amérique là, on parle de France. Oui, c'est vrai que c'est pas les mêmes mentalités, entre guillemets. C'est nous, on a été beaucoup plus à même de consommer des produits japonais que les Américains. C'est vrai, c'est vrai. Mais Oui. du coup, du coup, je suis partagé. D'un Non, côté, mais t'as... j'entends. ça a marché à l'Occident, mais je trouve quand même ça dommage de devoir De remplacer. mettre de l'ombre au Super Sentai. Voilà quoi, de devoir remplacer l'original. Donc au final, ça fait deux univers différents, mais proches. Voilà, ça c'est. Voilà. Mais bon, Alors moi du pour le coup, bien, mais. je te rejoins à, on va dire, à 90% sur ton avis en fait. Ouais. Vraiment en mode, pour moi je vois vraiment ça différemment, même si c'est la même base. En fait moi je trouve déjà l'idée de base assez intelligente parce que c'est certes une grosse idée de marketeur, une idée de Ah coût, oui, etc. C'est pas une... Mais au final c'est que je trouve ça hyper intelligent, c'est un vrai casse-tête qu'il a réussi à faire. Et j'aime le produit qu'il en a fait, etc. Même tout n'est pas parfait dans Power Rangers, il faut pas l'oublier, c'est que c'est très enfantin, encore une fois. Et particulièrement dans MMPR, qui a vraiment énormément d'épisodes, où du coup, faut quand même bien piocher ceux qui sont très très importants, malgré tout, hein, faut pas l'oublier là-dessus. Allez. Moi, je suis d'accord avec Eric, c'est que c'est très dommage et du coup que ça a éclipsé le Super Sentai, possiblement, qui aurait marché. Après, je reste d'accord, je suis sûr et certain que tu sortais Mighty Morphin Power Ranger exactement à la même époque, juste doublé. Enfin, du coup, The Ogre, juste doublé en Amérique. Pour moi, ça prenait pas. J'en suis certain. Ah oui, ah oui, c'est sûr, c'est Après, sûr. voilà, c'est que malheureusement, maintenant, ou. Enfin, maintenant, c'est. S'il y a 10 ans, on sortait un The Ogre doublé, ou enfin, du coup, un Gokiger, du coup, il y a 10 ans doublé, ça aurait marché, je pense. Parce que du coup, on est avec les animes, etc. On est plus consommateurs de produits japonais. Et du coup, Plus voilà, ouvert. c'est plus ça qui est dommage, c'est que. On propose pas, et qu'à cause de Power Rangers, on ne propose pas tout ça en Amérique, en fait, quelque chose de doublé ou même subé officiellement en Amérique, quoi. Donc ça, c'est Ouais, c'est dommage vrai. par rapport à ça, et par rapport à tous les rachats. Ce qui est... Moi, je suis pour les rachats, parce qu'en général, quand c'est racheté, c'est que l'ancien voulait s'en débarrasser, entre guillemets. Donc ça Ouais. fait durer la licence. Après, ça fait pas toujours du bien à la licence. C'est qu'on en parlera, enfin, on en parlera, du coup, on n'en parlera pas, parce que c'est du subjectif. Mais voilà, c'est que certains rachats ont en fait du mal, notamment Neo Saban, où c'était même pas un rachat, c'était plus Saban qui voulait pas voir sa licence crever et Ouais. qui a racheté sa licence. Enfin, qui a racheté. Qu'a, il a encore le droit, mais qui a récupéré sa licence un peu du bout des bains et qui a fait OK, bah faut que je produise maintenant, quoi. Donc voilà, Ah c'est malheureusement les rachats, c'est l'argent, l'argent. De toute façon, faut pas oublier que Power Rangers, c'est avant tout une question de pognon. C'est là pour vendre des jouets. Le but premier de Power Rangers, c'est de créer du rêve pour vendre des jouets à des enfants et à des grands-enfants. oui. Mais encore une fois, c'est exactement le même but que les Super Sentai. Le but des Super Ah Sentai, oui. c'est de vendre des jouets aussi. Donc finalement, voilà. Après, ça n'empêche pas de faire des bonnes histoires Alors aussi là, pour je suis entièrement les rêves. d'accord. C'est que le but final est de vendre des jouets, mais finalement, avec une bonne histoire, on vend mieux des jouets. Ah Voilà. oui, c'est clair. Et voilà, donc voilà, c'est notre positionnement, c'est que. On voit ça différemment, mais que c'est très dommage que ça ait éclipsé le possiblement succès hors Asie du Tokusatsu, quoi. Ensuite, deuxième question. Quelles sont les séries Power Rangers qui, pour vous, ont réussi à vraiment tirer leur épingle du jeu face à son équivalent japonais? Celle dont vous pouvez dire elle se tient carrément, voire elle est mieux même que l'original. Alors, je vais commencer sur celle-ci. Ouais, Alors déjà, question. moi, j'ai plus tendance à ne pas comparer les deux. Pour moi, c'est quand même deux entités assez différentes. Après, c'est peut-être naïf de ma part, hein, parce que finalement, c'est quand même les mêmes scènes que des Toku. Et il y a certains plots où ils essaient de suivre un minima. Mais il y en a certaines que je trouve se tiennent mieux que les Super Sentai. Notamment, je trouve par exemple que Super Police Delta est mieux que Deka Ranger, par exemple. Ah oui, Je je trouve Super Police Delta mieux que Deka Ranger, dans toute sa construction d'univers, dans tout ce qu'elle apporte, dans tout ce qu'elle raconte, et dans toute son incidence sur avant et après la licence, par exemple. Là où, du coup, Super Sentai, j'ai. Enfin, DK Ranger, du coup, pour comparer que celle-là, bah, n'a pas forcément d'incidence sur les autres. Et c'est ça qui me fait. Et pareil, DK Ranger, il y a tout un. DK Ranger, Super Police Data, il y a toute une notion d'héritage, de qui mérite d'être le numéro. Enfin, le numéro 1, d'être le leader, etc. Ouais, le rouge, quoi, du coup. Bah, du coup, il y a le rouge, mais. Et, bah, et comme dans. Comme dans Force du Temps. Time Force, Time, ouais. Ah, Time oui. Force, où c'est du coup beaucoup. C'est Jen, la, vraiment la. La chef. La chef, ouais. Hein, la rose. Bah là, pour moi, je trouve que vraiment Super Police Data est meilleur que DK Ranger pour toute cette construction propre, l'embellissement des scènes d'action japonaises ancrées dans cette histoire américaine, les personnages, toute la mythologie autour, ce que ça veut raconter, et même le bestiaire qu'ils ont réussi à créer, etc. C'est vraiment assez, assez incroyable, je trouve. Et je pense que... La notion d'héritage entre les deux séries. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est le seul que j'irais aller à comparer, en vrai. C'est le seul qui m'a vraiment fait ça de façon flagrante, parce qu'il y en a plein où j'ai des préférences plus subjectives, donc c'est pas très forcément intéressant. Et même, c'est que il n'y a pas forcément à comparer, quoi. Il y en a certains où j'ai vraiment préféré le Sentai à 100%, bah, notamment Gokaiger, qui est un de mes Sentai préférés, et face à Super Mega Force, bah, forcément, il n'y a pas photo, quoi. Ça, c'est sûr à 100%, malheureusement. Mais par exemple, j'adore bah, In Space et Time Ranger, c'est génial aussi. Mais j'aime les deux autant à leur façon, en fait. Si je peux pas dire qu'il y en a un que qui est mieux que l'autre, ils font juste les choses différemment, par exemple. Oui, bah oui. Voilà pour ma part. Je sais pas pour toi si t'as un autre exemple à donner de saison que t'aurais préféré. Bah, peut-être. Ah, je sais pas. J'avais failli dire In Space par rapport à Mega Ranger, mais c'est à cause du thème et du coup. Ouais, j'entends, ouais. En fait, là, ce serait plutôt un avis trop personnel. Et... Oui, après, c'est comme tu veux. Mais non, je sais pas, moi j'ai préféré l'aventure spatiale de In Space, du coup, reliée à... Attends, avant In Space, c'était... C'est Turbo. C'était Turbo avant In Space ? Oui, c'est Turbo. Parce que justement, c'est à la fin de Turbo, c'est tout le monde sauf Justin qui va dans l'espace, justement, rejoindre, du coup... Ah oui, j'ai Andros dans l'espace, dans le vaisseau, et où notre très cher TG se fait reléguer au rang de Ranger Bleu et qu'il le vit pas très bien. Voilà. Non, moi j'avais bien aimé ça. En plus, elle était reliée à une autre série, elle a avec les épées sacrées. Là. Lost Galaxy, ouais. Voilà, J'ai failli en parler d'ailleurs de Lost Galaxy, pareil, parce que c'est l'une que je trouve meilleure subjectivement justement, Lost Galaxy par rapport à. Mince, j'ai plus le nom japonais. Oui, c'est pas grave. Mais en fait, ça va rejoindre la question suivante. Parce qu'en fait, toi, ce que t'aimes finalement, c'est ce format d'héritage entre les saisons finalement. Bah moi j'aime bien le fait que ça soit connecté, tu vois. Voilà. Alors certes, les Japonais, les Sentai, ils font des films où ils sont tous connectés, mais j'aurais préféré que ça soit entre séries, même si récemment dans la dernière série, on a vu dans la dernière série japonaise là, Kira Mega, on a quand même vu un clin d'œil à une autre ancienne série Sentai. Justement, j'y arrive, c'est la question suivante, suite logique de la question. Est-ce qu'il y a des trucs cool qui ont été faits dans Power Rangers et que vous aimeriez voir plus souvent, voire tout court, dans Super Sentai ? Et donc, c'est quelque chose qu'on a en commun avec Eric, c'est que, bah, en fait, j'aime le fait que dans Power Rangers, on a une mythologie commune quasiment à toutes les saisons, en fait. D'autant plus, du coup, jusqu'à la fin de l'ère, entre guillemets, Zordon, et même un peu après, du coup, parce que Lost Galaxy, il y a déjà plus Zordon, mais c'est lié quand même à In Space. Mais voilà, et outre ça, c'est que derrière, il y a toute cette mythologie de la grille, cette mythologie du morph qui vient derrière, et il y a vraiment un côté ancien Ranger qui sont les mentors des nouveaux, en fait. Et j'aime bien ça. C'est quand il y a des crossovers, c'est vraiment... Ah ouais, c'est eux, c'est les boss, ils viennent m'éduquer et tout. C'est trop bien, quoi. Non, puis ce que j'aime bien, c'est que du coup, contrairement aux séries japonaises où tu vas voir... Enfin, tu sais que c'est un Super Sentai, parce qu'il y a la marque Super Sentai autour du titre. Ouais. Puis il y a le nom de la squad, du coup. Mais pour Power Rangers, bah, en fait, c'est toujours Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers. Oui, c'est ça. T'as le sous-titre. Mais tu sais que pour une grosse partie de ces séries, elles sont quand même reliées pour deux ou trois choses. Bah, Techniquement, elles sont toutes reliées. Il y a toujours quelque chose qui arrive. La grille. Voilà. Après, il y en a certaines, c'est quand même vraiment... Après, il y en a beaucoup, c'est plus de l'interprétation, on va pas se mentir. Mais par exemple, voilà. Bah, ce que j'aime avec Hasbro, c'est qu'avec Beast Morpher, ils ont vraiment dit « Ok, vous avez des doutes, tout est connecté. Prenez ça, tout est connecté, il n'y a pas de souci. » Et j'étais là, yes. Et après, voilà. C'est vrai, les comics le font. Mais après, il y a toujours le débat, est-ce que les comics, c'est en canon ? Techniquement, c'est canon, mais dans un autre univers, mais voilà. C'est que cette grid et toutes ces petites références, bah, par exemple, chez Disney, ils aimaient bien teaser les prochains acteurs dans leur série. Donc, et du coup, on voyait bien que bah, à la fin de Ninja Storm, l'un des élèves, c'est le frère jumeau du coup du Ranger Rouge de Dino Thunder. Ouais, et puis je crois qu'on voit la Ranger Jaune dans je sais plus quel épisode de Ninja Storm aussi. Oui, enfin voilà, c'est... Il y a cette connexion qui se fait et j'aime bien tout ça. Et un autre point que j'ajouterais du coup hors connexion sur ce que je préfère et que j'aimerais bien qu'ils mettent dans Super Sentai, c'est tout simplement la diversité du casting. Je sais que c'est dur d'avoir une diversité chez les Asiatiques parce qu'il y a un peu moins de mixité raciale, mais ne serait-ce que pour la parité. On a énormément de squads de Super Sentai où on a une femme, là où chez les Power Rangers, pas dans toutes, mais au maximum, ils allaient d'avoir au moins deux femmes, ce qui n'est techniquement pas la parité parce que le 6ème Ranger est jamais une femme, quasiment. Enfin, quand il y a un seul 6ème Ranger, c'est jamais une femme. S'il y en a plusieurs, il y en a. Parce que Kat, c'est une septième Ranger. On a dans Overdrive, etc. Mais s'il y a un seul sixième Ranger, c'est jamais une femme, malheureusement. Et c'est toujours pas le cas pour Dino Fury, d'ailleurs. Malheureusement. Mais par contre, énorme mixité raciale. Quasiment toujours au moins deux femmes, parce que c'est pas vrai dans Ninja Storm. Et c'est pas vrai dans Dino Thunder. En fait, Disney déteste les femmes, peut-être. Peut-être ça. Finalement. Enfin bref. Mais voilà, c'est. En fait, c'est dès que ça part de trois, il n'y a jamais deux femmes. Ils rajoutent toujours que des mecs. Moi, j'aurais bien voulu trois hommes, trois femmes, parité parfaite, et puis... On n'a jamais eu une parité parfaite dans Power Rangers, encore moins dans Super Sentai, malheureusement. Ils ont créé des rôles entiers de femmes, comme... Ils ont girlisé plein de personnages, forcément. Rien que le Ranger jaune, etc. Enfin, c'est bien, parce que du coup, même si en face, on a des... Bah là, puis Dino Fury, normalement, le Ranger vert est un homme au Japon. On a une femme chez nous, donc ça, c'est cool. Ça, c'est grave cool. Donc voilà, c'est bien, parce qu'ils essaient d'introduire plus de femmes. On a eu Loren Chiba en tant que main rouge quelques temps pour Super Samurai. J'aurais aimé que ce soit elle depuis le début. Voilà, c'est... Ni Super Sentai, ni Power Ranger n'ont sont-elles pas à faire une vraie rangeuse rouge, leaderuse de A à Z, où on n'est pas en mode c'est la rose de leader, mais il y a quand même un rouge qui est censé être le vrai leader. Ouais, voilà. Aucun des deux ne l'ont fait encore. Qui se trale pas en premier ? Je dirais les Américains. Je sais pas pourquoi. Bah, moi aussi, c'est con, mais je pense que les Américains ne le feront pas tant qu'ils le feront pas au Japon, malheureusement. On verra bien. Mais voilà, moi, ça va être les deux choses. Ça va être du coup la diversité et la connexion entre les saisons. C'est des choses que j'aimerais vraiment qu'ils gardent. Que Super Sentai s'inspire un petit peu plus, quoi. Puis au moins, ça fait pas genre on a fait une série, maintenant oubliez-la, et puis regardez la nouvelle, et puis l'ancienne elle existe plus dans votre cœur, quoi. C'est un peu. Ouais, il y a vraiment une rupture assez douloureuse. Ouais, il ferme la porte, en fait. Ouais, même s'il y a les films, comme tu dis, ça manque un peu, ouais, de un peu plus de clin d'œil entre les autres séries. C'est deux façons de voir les choses différentes, quoi, après. Autant ils ont fait Gokaiger, donc la série anniversaire, là, pour les... Oui, bah oui. Mais c'était... En fait, le thème, c'était juste ça, c'était juste l'anniversaire, mais... Ouais, ouais. Après, dans le reste des séries, l'anniversaire, enfin, les liens, on n'existe plus, quoi. C'est quand même dommage. C'est dommage. Donc, voilà, ce sera moi, en tout cas, les deux choses. C'est parce que toi, tu voulais rajouter encore autre chose que t'aurais aimé qu'ils gardent ? Qui s'inspire, plutôt. Moi, j'aurais bien voulu plus de... comment dire, le mode armure, comment on appelle ça? Ah, les Battle Riser. Les Battle Riser. J'aurais bien voulu qu'ils s'en inspirent, tu vois, les Japonais, qu'ils en fassent peut-être un... Je sais pas. Ouais, mais les Battle Riser, ils viennent toujours des Japonais de base. Ah bon? Bah oui. T'es sûr qu'il n'y a pas des Battle Riser inédits américains? À un ou deux près, c'est à 90% les prix des Japonais, c'est sûr et certain. Ah, j'ai toujours cru qu'il y avait une grosse partie non, des non, Battle Riser inédit, tu vois. Non, la plupart, ça vient des Japonais, quand même. Ok. Voilà. Et du coup, on arrive à la dernière question, malgré tout. Ah oui. Alors, et au-delà. Alors, ça a parlé de No Fury, je spoiler. Hein. Et au-delà d'espérer simplement que la série soit bonne, ce qui est déjà une pas mal, hein, vous attendez éventuellement Dino Fury pour quoi d'autre, dans le sens des espoirs particuliers envers elle. Je te sais commencer là-dessus, mon très cher Eric. Moi, j'aimerais bien que Dino Fury, un peu comme Beast Morpher l'a fait pour ses deux derniers épisodes ou ses épisodes spéciaux, ouais, parle des autres Power Rangers liés aux dinosaures. D'accord. Disent pourquoi y a 40 000 équipes qui ont le pouvoir d'un dinosaure, mais que du coup, ils ne sont pas de la même équipe. Tu vois, je sais pas. Alors, je sais que c'est des énergies différentes, mais que tout est lié à la grid, mais pourquoi on a MMPR, pourquoi on a Dino Fury, pourquoi on a les deux autres équipes dont je n'ai plus le nom, Dino Tonnerre et... Dino Fury, du coup. Ah, Dino Tonnerre, Dino Thunder, oui, Dino Tonnerre, je suis con. Et, ceux qui tirent avec des Dino Charge. Dino Charge. Pourquoi, en fait, au final, on se retrouve tout le temps avec un Tyrannosaurus Rex. Voilà, un Tyrannosaurus... Bref, un T-Rex. Parce que j'y arrive pas, là. Un T-Rex dans toutes les équipes. Et puis, du coup, tout le monde... tous les autres ont un dinosaure différent, quoi. Mais au final, c'est le même thème, mais sous une forme différente. Faudrait qu'ils expliquent ce... Ouais, non, mais j'entends. Petit truc-là, parce que quatre teams de dinosaures, ça fait un peu beaucoup, à mon goût, je trouve. Ah, s'il y a pas de... ça se vend. Hein. Après, ça, on sait pourquoi il y en a. Après, oui, justifier un peu de façon narrativement. Quoi. Voilà. Et puis, si possible, des clins d'œil. Enfin, justement, on parlait de David Yost tout à l'heure. J'allais y arriver, justement. Papa, il viendrait, je sais pas, faire un épisode ou avoir un rôle important, genre un mentor ou je sais pas. Moi, c'est justement, j'ai une envie très précise, comme beaucoup, hein, parce qu'il est très aimé. J'aimerais qu'il y ait un mentor de chaque saison d'anciens Power Rangers de dinosaures, et j'aimerais que l'un d'entre eux soit David Yost. L'Ranger Rouge Dino Tonnerre, c'est pas possible parce qu'il veut plus du tout entendre parler de Power Rangers, mais Kira, j'aimerais que Kira revienne parce que Kira c'est une excellente actrice, et j'aimerais que du coup le Ranger Rouge Dino Charge, parce que pareil il adore la série, on le voit dans Beast Morpher, il kiffe trop ça, j'aimerais que ces trois là viennent qui soient un peu les mentors des Dino Fury, quoi. Ce serait trop bien. Vous avez les clés d'une nouvelle génération. Let's go, les gars, quoi. Ce serait ouf que ces trois-là soient les mentors des trois. Ouais, qui adorent Ryu Soulgear de base, ouais. C'est pour ça que je dis ça, ouais. Ça serait énorme. Moi, j'adorerais ça. On aurait en plus un bleu. Bon, après, du coup, c'est pas les couleurs de base qu'il y a, mais ouais, un bleu, un jaune, un rouge. Mais ouais, putain, ce serait trop bien. Et ce serait très précis comme envie, hein, mais bon. On a de l'espoir. Il y a des rumeurs, hein, comme quoi, a priori, David Yost, il joue un peu avec ça. Donc, après, il aime bien titiller un peu, donc on ne sait pas trop. Mais voilà, on verra bien. Évidemment, je lui ai posé la question, il n'a pas voulu répondre. C'était évident. Hein. Ça fallait, donc, fallait tenter. Hein. Voilà, merde. fallait tenter. Mais du coup, voilà, c'est mon envie précise. Alors oui, mon envie plus généraliste, c'est de voir ce fameux MCU de Power Rangers teasé par Hasbro, qui, du coup, a annoncé que les prochains films live seraient liés aux séries. Du coup, les séries seraient en corrélation. Également, un dessin animé en production, pas forcément lié, a priori. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, à voir. Là, c'est que de voir ce grand univers que ça va apporter, comment ils vont réussir à lier des films à la série, ça veut dire que du coup, une vraie continuité plus grande. Et du coup, voilà, ils ont teasé quand même un gros nouveau dans la série et une envie de toucher un peu tout le monde, les anciens, les nouveaux, etc. Et j'ai très... Oui. Du coup, ils assument encore plus la grid qu'avant. Oui, voilà. Vraiment, eux, ils ont mis un mot sur la grid. Hein. Clairement, c'est très rare que ça arrive dans la série. Beast Morpher, c'est littéralement la grid. Hein. Point. Grid, quoi. Et ça, c'est bien. C'est vrai. Et donc, voilà, moi, j'ai une envie, c'est de voir cette mythologie, de voir où ça va, que ce soit bonne, évidemment, hein, mais déjà, de voir comment elle va être travaillée, de voir comment ils vont essayer d'améliorer tout ça. Et en fait, voilà, moi, je veux ces mentors, je veux tout ça, et je veux voir ce donne. Et déjà on a vu qu'ils ont créé un tout nouveau Zord qui n'est pas dans la série de base, ce qui est assez étonnant. Dans les prototypes qu'on a vu de jouets, il y a un tigre à dents de sabre, et il n'y a pas de tigre à dents de sabre dans Ryu Soulgear. Si, attends. Non, il n'y en a pas. Le Zord du perso vert, c'est Tiger Lance. Oui, mais c'est, enfin, il a pas, c'est pas un tigre à dents de sabre, je crois, et il ressemble pas du tout à ça, en tout cas. En tout cas, il est très différent. Ouais, il a l'air un peu plus musclé chez les Américains, je crois. Donc voilà, a priori, il veut essayer de faire quand même des vraies nouveautés même dans les ordres. Donc, parce que du coup, est-ce qu'ils vont peut-être essayer de partir sur des choses produites peut-être un peu plus chez eux, etc. On va voir. Donc voilà, moi, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve là-dessus, surtout ce tout nouvel univers promis, plus ambitieux, plus connecté que les gens nous promettent. Et a priori, on a au moins 2 saisons de Dino Fury de confirmer. Donc, je pense qu'on a de quoi de voir des belles choses venir. Ah, bon, du moment qu'ils font pas 1 million de fillers, ça va. Ouais, et puis si un jour ils pouvaient se casser de Nicktoon pour plus avoir de pause faire 2 x 12, ce serait bien, quoi. Lui aussi, oui. Putain, parce que du coup, le format 2 fois, même pas, c'est 7 épisodes et après ils en diffusent 15. Enfin, là, c'est Ouais. débile. C'est. C'est pas T'as une après, pause il y de a 6 mois, quoi, ça fait chier, quoi. une histoire de vacances sur le calendrier des Si, c'est Américains, ça, je sais c'est pas. ça. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. Ah ouais. Enfin, bref. Donc, c'était la dernière question. Oh. Je pense qu'on a fait bien le tour un peu de ce qu'on pense de tout ça. Puis voilà. Moi, je vais te poser une question, sans dire pourquoi, en regardant mon chat en train de faire tomber des choses devant moi. tes 3 saisons préférées de Power Rangers, sans dire pourquoi. Et sans classement, juste 3 saisons que t'as préférées. 3 saisons, Ouais. alors Space, Ouais. Speedy Ouais. et Ninja Storm. Ok. Et bah, on va être très raccord, c'est rigolo. Parce que. Ah, y a pas. Du coup, dans mon dernier rewatch, je pense que Dino Thunder est passé devant Ninja Storm pour moi. Non, Ah il y a Cam, il y a Cam. Non, Ninja Storm, du coup. Non, ouais? Ninja Storm. Mais Dino Thunder est pas loin derrière, hein, parce qu'il y a beaucoup d'excellentes choses. C'est dur. Les deux sont. Mais Ninja Storm, parce que Cam, quand même. Cam, meilleur ranger. Bref. Speedy, parce que Speedy, tout est parfait de A à Z dedans. Ah mais le premier épisode, je le trouve ouf. Moi, quand j'étais gamin, que je l'ai vu, oh, Non, incroyable. puis Kruger. Ah, puis Kruger, là. Et Kat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 4. Oh, je préfère Kruger quand Oui, je même. préfère Kruger. Kruger, mais les deux quand même. Enfin, Ah même tout, le Ranger, enfin le vert et tout. Enfin bref, Speedy, il y a trop de choses bien dedans, quoi. Et oui. Ouais. enfin, il y en a plein qui l'aiment pas, mais moi, ce sera Sauvetage éclair, Lightning Rescue, Ah, qui a le meilleur pilote pour moi. Le pilote de Lightning Rescue, je le trouve incroyable. Mais genre de ouf. ah, c'est vrai qu'il est vraiment bien pour le Puis le coup. Zord de train, c'est le meilleur Zord. Ah là là. Moi, je suis team train, donc voilà, quoi. Bah, t'aurais dû vivre au Japon. Ils adorent les trains là-bas en Ah bah ouais, plus. bah Top Gear, hein, Ah bah évidemment, voilà. le mal aimé. Donc voilà, on finira là-dessus. Je tiens encore une fois à remercier tous vos retours des premiers épisodes, toutes vos questions, le Discord de Tokusatsu, le Discord de Binoludino, vous sur Twitter, et une dernière fois, et merci aussi à Yannick Ham, qui aide à produire le podcast, qui l'a sur 10 minutes, et un grand merci à toi, Eric, surtout à toi, d'être là, de m'aider, de me pousser. Ah, c'est sympa, hein, c'est sympa. Bah, Hein, c'est normal. bon, merci à Voilà. toi de m'avoir proposé cette opportunité. Ben avec grand plaisir. De ces passions, c'est pas tous les jours qu'on a enfin, l'opportunité. Et en plus d'avoir un statut de host, co-host, voilà, co-host, Ouais, c'est. t'as. Pour moi, c'est 50-50. Y a pas de qui en fait plus, qui en fait le moins. C'est un tout qu'on fait tous les deux. Et comme je dis, il pourrait pas exister sans toi, quoi. Oh bah, merci, je suis très Mais touché. non, mais c'est normal, hein, c'est normal. Hein, je le pense sincèrement, en tout cas. C'est très sympa. Et donc, bah, on vous dit merci à tous. On espère à bientôt pour l'épisode 2. Hein, l'avenir nous le dira. Et en tout cas, encore merci à tous du fond du cœur. Ce projet ne marcherait pas sans vous. Donc, Ouais, merci à vous, merci de nous écouter. Merci des retours. voilà. Et des gros bisous à tous. Gros bisous et j'espère que à la fin de cet épisode, eh ben. Ah bah j'en perds mes mots. Et ben Eh voilà, ben. on espère qu'à la fin de cet épisode, voilà, on s'arrêtera là. Des bisous et à la prochaine. Salut! Voilà.